France Inter. Bonsoir, bienvenue dans Autant n'emporte l'histoire. Aujourd'hui, Suzanne Valadon, de modèle à peintre. Si vous ne connaissez pas ce tableau, courez si vous le pouvez au musée des Beaux-Arts de Limoges où il est exposé, la chambre bleue. On y voit une femme bien en chair allongée sur un lit. Vous me direz, un thème classique en peinture. Mais ici, si la dame est très belle, avec ses grandes mains et ses gros pieds, clairement, elle n'est pas là pour séduire. Elle est chez elle, en pantalon de pyjama, la clope au bec, le regard pensif, mais tout sauf éthéré, une pile de livres posée à côté d'elle. Dans un subtil camaïeu de bleu, Suzanne Valadon signe un tableau somptueux et raffiné qui, tout en s'inscrivant dans la grande tradition, brise les codes de la féminité en peinture et invente autre chose. La vie de Suzanne Valadon tient du roman. Née de père inconnu, d'une mère pauvre et alcoolique, elle grandit dans le Montmartre populaire et bohème de la fin du 19e siècle, où elle devient modèle pour les artistes. Mais cette femme libre, autodidacte de génie, va devenir elle-même peintre. Une artiste reconnue de son vivant, puis longtemps négligée, et qui aujourd'hui, pour notre plus grand bonheur, revient dans la lumière. France Inter, Stéphanie Duncan, Autant en emporte l'histoire. Saskia Homs, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes historienne de l'art et conservatrice du musée de Montmartre à Paris, un musée où l'on peut voir reconstituer l'atelier de Suzanne Valadon, une artiste que vous connaissez bien, Saskia Homs. Il y a des tableaux d'elle dans ce musée? Oui, absolument. On présente plusieurs œuvres de Suzanne Valadon qui sont liées à notre lieu, notamment les jardins de rue Courtauld qu'elle a peint quand elle était à l'atelier du rue Courtauld à partir de 1912. Et on a aussi reconstitué l'atelier de l'artiste où elle a vécu avec son fils Maurice Utrillo et son mari André Rieuter. Alors le parcours de cette femme est assez incroyable. Est-ce que vous pouvez, Saskia Homs, nous rappeler d'où elle vient? Parce que rien ne la prédestinait à devenir une grande artiste de par ses origines. Alors, Suzanne Valadon, elle est née en 1865 à Bastide-sur-Gartempe et elle vient avec sa mère, Madeleine, mère célibataire. D'ailleurs, elle est née de père inconnu à Paris à l'âge de 5 ans. Et sa mère, elle vient d'un milieu assez modeste. Elle s'appelle pas Suzanne, d'abord la petite fille, elle s'appelle Marie-Clémentine. Oui, absolument. Elle s'appelle Marie-Clémentine. Elle arrive à Paris avec sa mère, qui travaille en tant que femme de ménage et blanchisseuse. Et Suzanne Valadon, au départ, elle fait des tas de petits boulots, serveuse, modiste, mais elle rêve d'être acrobate et trapéziste. Oui, parce qu'elle va très peu à l'école, en fait. Elle s'arrête à 11 ans. Sa mère veut qu'elle travaille parce qu'elle a besoin que sa fille lui rapporte de l'argent, c'est ça? Oui, absolument. C'est quand même une situation assez dure pour elle. Et puis, donc, elle a ce rêve d'être acrobate, mais elle fait une mauvaise chute et elle peut malheureusement pas continuer sur cette voie. Oui, parce qu'on est à Montmartre et il y a beaucoup de salles de spectacle, de cabaret et de cirque dans ce quartier de Paris. Et il y a certainement une effervescence artistique qui fascine la petite fille. Oui, absolument. Montmartre est en plein mouvement. Il y a des cabarets artistiques. Il y a des artistes partout qui viennent vivre là parce que les ateliers sont beaucoup moins chers, parce que la lumière est très belle, parce qu'il y a quand même un esprit de liberté dans ce quartier. Il y a aussi le cirque Fernando Medrano qui, bien sûr, inspire les artistes, mais aussi la petite Marie-Clémentine. Et donc, elle fait une mauvaise chute. Elle va pas devenir artiste de cirque, mais elle va devenir modèle pour les artistes qui peignent dans les ateliers à Montmartre. Oui, absolument. Donc, elle commence à travailler comme modèle pour les grands artistes, d'ailleurs, notamment Puvis de Chavannes. Elle raconte même qu'elle pose pour tous les personnages masculins et féminins du bois sacré, mais elle pose aussi pour Renoir et Toulouse-Lautrec, qui plus tard devient son compagnon. Et à partir de quand cette jeune fille se met à peindre elle-même? Alors, elle a commencé à dessiner à l'âge de 8 ans, mais elle peint aussi assez tôt. Elle a déjà fait un très beau autoportrait en 1883. Et c'est l'année, justement, de la naissance de son fils, Maurice Utriot. Et elle se peint déjà vraiment comme elle est, comme artiste. Ouais, c'est un très beau tableau. Ouais. Elle regarde le spectateur en face, elle ne sourit pas. Tout de suite, on retrouve ses caractéristiques qui vont durer pendant toute sa vie. On peut dire qu'elle est née artiste, Suzanne Valadon, parce qu'elle le dit bien, hein, vous le dites aussi, elle dessine depuis qu'elle est toute petite. Elle dit « Depuis l'âge de 9 ans, je couvrais de croquis tous les papiers qui me tombaient sous la main, au grand désespoir de ma mère. » Donc sa mère n'avait pas tellement envie qu'elle peine, qu'elle dessine, elle voulait qu'elle aille travailler. Mais elle a ça en elle, déjà très très fort. Elle a vraiment ce coup de dessin en elle et elle a aussi un petit caractère qui lui donne vraiment la pêche pour continuer sur quoi oui, elle, malgré elle veut... l'adversité. Oui, absolument. Donc, sa mère la désapprouve. Puvis de Chavannes, donc, pour lequel elle est modèle, la désapprouve également. Quand elle le sollicite, Puvis de Chavannes répond « C'est impossible, vous êtes un modèle, pas une artiste. » Donc, elle va devoir se battre pour s'imposer comme artiste. Et elle va rencontrer Edgar Degas. On va en parler dans un instant. Saskia Holmes, si vous le voulez bien, on se retrouve dans une trentaine de minutes. Tout de suite, Suzanne Valadon, de modèle à peintre, un texte de Corinne Clompe, écrit spécialement pour Autant n'importe l'histoire, réalisation Christophe Hoquet. Comment doit-on s'habiller pour rencontrer un génie ? Edgar Degas. Plus je me pince, moins j'y crois. Bon sang, Degas. Je n'ai rien de correct à me mettre. Dans cette robe grise, j'ai l'air d'une nonne. Et dans la verte, trop décolletée. Il va croire que je veux poser pour lui ou lui faire du plat. En plus, l'ourlet est défait. À droite comme je suis, je vais me prendre les pieds dedans et m'étaler sous son nez. Ah ça, le maître se souviendra de ma visite. Non, je vais rester ici, à l'abri. Après tout, je pourrais être malade. J'en ai assez de me triturer le ciboulot. Je tiens une occasion en or et je fais ma difficile. J'ai peur, oui, et alors ? Demain aussi j'aurai peur, après-demain pareil. Autant en avoir le cœur net. Si Degas n'aime pas mes dessins, tant pis pour lui, j'en mourrai pas. Bah si, justement. S'il les aime. S'il les aime. Paris, mars 1894. Suzanne Valadon quitte son domicile de la rue Tourlac sur la butte Montmartre. Elle a revêtu une robe un peu fanée, mais d'un joli bleu, assortie à ses yeux. Son carton à dessin sous le bras, elle se hâte vers Pigalle, en ignorant les compliments grivois de certains passants. De petite taille, mais de proportions parfaites, avec sa bouche chancelle, sa longue chevelure flamboyante et son teint diaphane, la jeune femme de 29 ans attire les regards. Des peintres, notamment. Depuis l'âge de 15 ans, elle gagne sa vie comme modèle. Elle pose pour les plus grands, qu'elle prend parfois pour amants. Puvis de Chavannes, Renoir, Toulouse-Lautrec. Si les hommes qui admirent ses formes sont nombreux, rares sont ceux autorisés à voir ses dessins. Récemment, elle a fait une exception pour son ami le sculpteur Paul Bartholomé. Conquis, il vient de la recommander auprès d'Edgar Degas. À bientôt 60 ans, Degas est célèbre pour ses œuvres et pour son sale caractère. Le cœur battant, Suzanne pousse la porte du 37 rue Victor Massé, l'antre du maître. Monsieur Degas, voir votre atelier, c'est... J'ai pas les mots, je me sens si petite. Exact, vous n'êtes pas bien grande. Bon, ces croquis, où sont-ils ? Bien sûr, pardon. Oh ! Je suis désolée. Quel imbécile, excusez-moi. Tenez, à vous de juger. Là, c'est mon fils à 2 ans. Là, à 7 ans. Pour qu'il reste immobile, quelle histoire, un vrai démon. Cette femme, c'est ma mère. Elle bouge pas d'un pouce, à peine si elle respire. Ah, et là, c'est une vous amie. Vous signez S. Valadon ? Oui, S pour Suzanne. Vous ne vous appelez pas Maria ? Maria, c'est un nom de modèle. Et Suzanne, mon nom d'artiste. Une idée de Lautrec, en hommage à Suzanne et les vieillards. Il dit que je passe mon temps à poser nu pour des vieux, enfin pour des peintres. Alors. Qui vous a enseigné le dessin? Personne. J'ai commencé vers 8 ou 9 ans à l'instinct. Toute seule? Oui. Une envie qui m'a poussée d'un coup. Je dessinais partout, sur des vieux papiers, sur les trottoirs, même sur les murs des maisons avec des bouts de charbon ramassés dans la rue. Ma mère, elle était désespérée, mais j'ai continué en cachette, et voilà. Comment ça? Et voilà? Sans aucune formation? Non. Enfin, si. La formation de modèle. À force de poser pendant des heures face au grand maître, moi aussi, je les observe. J'apprends l'art de rien, je perds pas mon temps. Non, mais vous me faites perdre le mien. Pardon? Ces dessins ne sont pas de vous. Quoi? Mais ça va pas la tête? Restez poli, que diable. Cette femme, on croirait la voir sortir du bain sous nos yeux. Ce mouvement du corps, vous pensez qu'on le capture du jour au lendemain en singeant deux ou trois peintres? Et ce trait à la fois souple et dur, il est le fruit d'un travail, vous entendez, d'un long travail. Il n'a pas surgi du néant, à l'instinct, sous les doigts d'une gamine qui trompait son ennui en barbouillant les murs. Vous me prenez pour un imbécile. Oh maître, merci, c'est le plus beau jour de ma vie. Enfin, relevez-vous, vous êtes folle. Folle de joie, mes dessins vous plaisent, ils vous touchent. Oh, j'ai une idée. Où allez-vous? Chez moi. J'en ai plein, je vais en chercher d'autres. J'en ai déchiré plein aussi. Il faut être dur avec soi-même, pas vrai? Attendez. Ce sont vos œuvres? Vous me le jurez? Sur la tête de mon fils. Bien. Dans ce cas, Maria, ou Suzanne, peu importe, je m'incline. Vous avez un sacré talent. Aucun doute, mon petit. Vous êtes des nôtres. Maman, maman, il m'a dit vous êtes des nôtres, tu te rends compte? Ça veut dire quoi? Mais que je suis une artiste, une vraie. Comme lui, comme Renoir, Gauguin. Il me prend au sérieux. Ça lui coûte rien. Il t'a demandé de poser pour lui? Ah mais pas du tout, heureusement. Ah bon? Tu trouves qu'on a trop pour vivre? Tu m'énerves, tu mélanges tout. Il est où, Maurice? Parti traîner, Dieu sait où, avec des vauriens. Il s'amuse, c'est de son âge. Oui, bah moi, à 11 ans, je me tenais tranquille. Je sais plus quoi faire. Il va me rendre chèvre. Tu l'es déjà. Moi aussi, cette famille. À plus tard. Et ma soupe? Je préfère le champagne. Bah si tu croises ton fils, dis-lui de rentrer. Demain, il y a école. Suzanne Valadon n'a pas la fibre maternelle. Dès la naissance de son fils, elle l'a confié à sa propre mère, Madeleine. Une ancienne lingère ayant quitté son Limousin natal 30 ans plus tôt, après la naissance de sa fille, de père inconnu. À 18 ans, Suzanne a accouché à son tour d'un enfant sans père, Maurice. Mais elle a réussi à le faire reconnaître par l'un de ses amants, Mickaël Utrillo, un journaliste espagnol. Puis, Mickaël a quitté la France et Suzanne a connu d'autres amours. Depuis quelque temps, elle entretient une liaison avec Paul Mouzy, un agent de change, fils de bonne famille, de 2 ans son aîné. Elle le retrouve souvent au Chat Noir, un cabaret très prisé des artistes de Montmartre. Le plus dur reste à faire. Lui prouver que je mérite sa confiance. Et il n'a pas eu un geste déplacé, tu me jures? Oh mais Paul, tu deviens vexant. Je répète, Degas ne m'a pas fait d'avance. C'est mon talent qui l'intéresse, pas mes fesses. Chut. Mais quoi, on n'est pas à l'église. Excuse-moi, j'ai du mal à croire que face à toi, un homme reste froid. À mon avis, il a peur des femmes. Dommage, hein? Malgré son âge, j'aurais pu me laisser tenter. Oh, respire, je blague. C'est pas drôle. Tu fais tout pour me rendre jaloux. Au nom de quoi? On n'est pas mariés. Ma Susan, je rêve de t'épouser seulement... Je sais, tes parents. Ils adorent la peinture, les peintres, les palettes et les pinceaux, mais ils ont horreur des modèles. Quelle guigne. Te fâche pas, je vais les convaincre. Je passerai pas ma vie à t'attendre. Où tu vas? Poser avant qu'il fasse nuit. Chez qui? Chez Degas? Oh, tu me fatigues. Tu vas poser nu? C'est mieux payé. L'argent, toujours l'argent. Mais qu'est-ce que tu crois? J'ai une famille à nourrir, moi. Quel froid. Je vais encore attraper une bronchite. Poser, c'est difficile. Ça demande de l'endurance. Une bonne santé... et de la sensibilité. Le modèle, c'est pas une nature morte. Il vibre avec le peintre. Il lui offre un morceau de son âme. Sinon, le tableau est raté. D'après Renoir, je suis un modèle incomparable. Moi, je rêve de devenir une artiste incomparable. Je dois me mettre à la peinture, pour de bon. La peinture, c'est ce qu'il y a de plus grand. Elle me fait peur. J'ai l'impression qu'elle m'attend au tournant. Oh, ce que j'aimerais, là, tout de suite. Primo, une couverture. Deuxio, pouvoir me consacrer tout entière à mon art. Le 25 avril 1894, grâce à l'appui d'Edgar Degas, Suzanne Valadon est sélectionnée au salon de la Société nationale des beaux-arts, surnommée la Nationale, qui constitue une alternative au très officiel Salon des artistes français. Suzanne y présente 5 dessins, signés S. Valadon, qui suscitent un bel enthousiasme. Un certain Jules Valadon, chevalier de la Légion d'honneur, exposé lui aussi à la Nationale, reçoit par erreur des compliments adressés à la jeune femme. Vexé, il lui écrit pour exiger qu'à l'avenir, elle signe de son prénom. Que lui avez-vous répondu ? Merde. Mais maintenant, je signe Suzanne Valadon. Est-ce une bonne idée ? L'art est misogyne. Vous aussi, monsieur Degas, ce qu'on dit. Pourtant, je suis là. Vous êtes même dans mon atelier. Venez, passons au salon. Vous l'avez accroché au mur ? Je vous ai acheté un dessin, c'est pour l'admirer. Du reste, j'en veux d'autres. Oh là là, tous ces tableaux. Chez vous, c'est un musée. Delacroix, Manet, oh, Ingres. Mon maître, vous devriez vous mettre à l'huile. Le dessin n'est pas tout. Justement, je voulais vous montrer un petit portrait. Je l'ai peint il y a 2 ans. Je connais ce visage. Qui est-ce ? Éric Satie. Un ancien amant, ami, musicien. Chère Maria, je peux vous appeler ainsi. En peinture, vous avez tout à apprendre. Votre trait a quelque chose de gauche, d'inabouti. Vous voulez un conseil ? Allez au Louvre. Pourquoi faire ? J'ai vu l'étoile de Gauguin au Café des Arts, j'ai vu les vôtres, ça me suffit. Pas besoin de voir le reste. Quel caractère ! Vous êtes terrible. Entre Suzanne Valadon et Edgar Degas commence un curieux compagnonnage. En apparence, tout les oppose. Elle, issue de la misère sociale, autodidacte, lui, fils de banquier, ancien élève des Beaux-Arts et membre fondateur des impressionnistes. Elle, collectionnant les hommes, lui, les œuvres d'art et célibataire endurci. Mais ils partagent une passion pour le dessin. Ils aiment représenter les gens du peuple au quotidien, les blanchisseuses, les lingères. La lassitude des corps et la poésie des gestes. Amateur de gravure, Degas initie la jeune femme à cette technique. En un an, Suzanne produit 12 eaux-fortes. Le 5 août 1896, elle épouse Paul Mouzy à la mairie du 18e, en l'absence des parents du marié. Le couple emménage avec Madeleine et Maurice dans un bel appartement au 12 rue Cortot à Montmartre. Suzanne met fin à son activité de modèle. J'ai peint mon autoportrait. Tout le monde a détesté. Mon mari, ma mère, mon fils. Lui, il m'a même pas reconnue. Dire que j'ai tout ce qu'il faut pour peindre. Du temps, de l'argent, un équipement de compétition offert par Paul. Un nouveau chevalet avec une crémaillère et une poulie. À quoi ça me sert ? À rien. Bon sang. Ce matin, j'ai reçu une nouvelle lettre de Degas. Maintenant que vous avez une vie assurée, pensez seulement à travailler. Usez du singulier talent que je suis fier de vous trouver. Ces terribles dessins, j'ai envie d'en revoir. Voilà. Ma peinture, elle l'intéresse plus. Normal, elle vaut pas tripette. Allez, écoutons le maître, dessinons. Grâce à lui, je commence à avoir des commandes et pas qu'à Montmartre. La gloire ? En 1898, 2 de ses gravures sont exposées à Londres, aux côtés d'œuvres de Degas, Lautrec et Manet. La même année, Suzanne découvre les charmes de la nature à Montmagny, à 10 km au nord de Paris, où son mari a fait construire une maison. Son fils reste scolarisé dans la capitale, au collège Rollin, en externat. Ah, Dieu merci, tu es là. Ouvre cette lettre. Je travaille. Le facteur m'a dit, ça vient du collège. Vite ! C'est Maurice ? C'est grave ? Je t'expliquerai. Pas un mot de cette lettre à Paul, il ne doit pas savoir. Qu'est-ce que je ne dois pas savoir ? Tiens, lis. Ah. Maintenant tu sais. Alors je fais quoi ? Je suis leur conseil, je le fais redoubler ? Non. Au collège, il perd son temps. Il faut le confronter à la vraie vie. Mais il a 16 ans. Moi, à 10 ans, je travaillais déjà. Toi aussi. Mais maman, je t'ai pas demandé ton avis. Je t'ai demandé de t'occuper de Maurice. Tu vois ce que ça donne ? Bah, ça va être de ma faute. Après tout ce que j'ai fait pour lui... C'est ça, va pleurer dans ta soupe. Calme-toi. Je connais du monde dans la banque. Je vais lui trouver quelque chose. Qu'est-ce qu'il va devenir ? Un employé. Ce sera toujours mieux qu'un alcoolique. Un alcoolique et puis quoi encore ? Ma Susan, tu as bien lu la lettre ? Depuis la rentrée, l'élève Maurice Utrillo se montre agressif et bagarreur. Ses notes sont en chute libre. Quand il daigne assister au cours, il se présente en état d'ébriété. Pendant des années, j'ai dessiné mon fils sous toutes les coutures. Je l'ai observé des heures et des heures. Mais je ne l'ai pas vu. Pire, j'ai fermé les yeux par lâcheté. J'ai laissé ma mère, Maman Madeleine, comme il l'appelle, se débrouiller seule avec lui. S'il est malade, c'est à cause de moi. Par l'entremise de son beau-père, Maurice Utrillo enchaîne divers emplois. Rétif à l'autorité, obsédé par l'alcool, il se fait à chaque fois licencier. Plombé par les tensions familiales, la relation entre Suzanne et Paul se dégrade. À Montmagny, la jeune femme ne dessine plus, ne peint plus. Au printemps 1900, elle se tient éloignée des célébrations de l'exposition universelle et de l'hommage rendu aux impressionnistes. Elle répond de loin en loin à Degas, qui la relance souvent. Dessinez-vous encore, excellent artiste. Il faudra bien, malgré la maladie de votre fils, que vous m'apportiez à nouveau vos dessins, méchants et souples. Début 1901, Maurice est interné 2 mois à Sainte-Anne pour une cure de désintoxication. À sa sortie, sur les conseils d'un médecin, Suzanne tente de trouver un dérivatif à son addiction. Je t'ai dit, je suis fatiguée. J'ai mal au bras. Arrête ton cirque et pose ton chevalet. Ici, là, face à l'église, c'est bien. Maman, il fait trop mauvais temps pour barbouiller. On voit même pas le clocher. Sors les tubes de peinture que je t'ai offerts. On me les a volés. Hein ? Je te jure, j'ai cherché partout. Et ma palette ? Celle que je t'ai donnée avec mes 5 couleurs, on te l'a volée ? Elles sont pas dingues, tes couleurs. Et puis 5, c'est pas beaucoup. Mais ça suffit amplement. J'ai broyé les pigments exprès pour toi, avec amour. Mais je t'ai rien demandé. Maurice, c'est pour ton bien. Tu verras, tu vas adorer ça. Quand on peint, plus rien ne compte. Mais j'ai pas envie de peindre. Tu comprends ? J'ai pas envie. Tu vas pas me forcer ? D'accord. Excuse-moi, maman, je voulais pas te crier dessus. Écoute-moi bien. Soit tu peins aujourd'hui, soit tu retournes à Sainte-Anne dès demain. Quoi ? Chaque matin, je le sors du lit et je le fiche dehors, avec sa palette et son chevalet. Parfois, je le suis, de loin. Je le vois traîner dans Montmagny à l'affût d'un sujet. Les villageois ricanent sur son passage. Mon beau grand garçon tout maigre, avec ses cheveux noirs et son regard halluciné. Il aime peindre les paysages, plus que moi. Les ruelles grises, tristes, avec de rares passants, minuscules, toujours de dos. Au premier plan, il lui arrive d'ajouter un bistrot, avec en vitrine des fichues bouteilles. Quand il rentre le soir, il ne marche pas droit, il pue l'alcool. Mais il a peint. Une toile par jour, c'est notre contrat. Maurice a un don, je le sais. Si seulement la peinture pouvait devenir son nouveau vice, sa nouvelle vie. En 1903, la famille est de retour rue Cortot. Suzanne Valadon retrouve avec joie l'esprit libre et bohème de Montmartre. Maurice commence à prendre goût à la peinture. Il s'est choisi un maître en la personne de Sisley, mort 4 ans plus tôt. Paul travaille désormais à la Banque de France. Il rentre chaque soir de plus en plus tard. Suzanne se réfugie dans son art. Elle reprend ses pinceaux et décide de faire poser sa bonne. Toute nue ? Ça te gêne ? Dame, je suis plus si fraîche, Madame Suzanne. Si vous pouviez m'arranger un peu. Compte pas sur moi, j'arrangerai rien du tout. Mais j'ai grossi, j'ai eu 2 enfants. Et alors, c'est ton corps, tu vas pas le changer. Moi, je peins ce que je vois. Je peins la vérité, je cache rien. Même pas les plis de mon ventre ? Ah, surtout pas. Ce sont les plis de la vie. Avec un foulard autour des hanches, ce serait plus convenable. Catherine, si tu cherches le convenable ou le charmant, tu vas être déçue, je m'assois dessus. Ah bon ? Une belle peinture n'est pas une jolie peinture. Bon, 3 séances de pause par semaine, de 4 heures chacune, 10 francs la séance. Vendu ? La lune et le soleil. Pas mal ton titre. Merci. Les deux femmes nues, c'est Catherine, le modèle ? Mm-hmm. Elle est gironde, hein ? Une vraie laitière. Mm. Et à part ça, Paul, le tableau, il te plaît ? Mm. Bon. Oui, oui. Je vais demander à Maurice, il est où ? Au bistrot, cette question. Oh, ça va. Ton fils est un ivrogne, point. Tu connais son surnom à Montmartre ? Litrilo. En plus, l'alcool le rend violent. Quand il peint, les gosses du quartier le provoquent. Il se défend, c'est normal. Oh, arrête, tu lui trouves des excuses. Un jour, ça finira mal, mais ça t'est égal. Mais n'importe quoi. Quand il rentre ivre mort, tu ne dis rien. Mais s'il dessine une mauvaise perspective, alors là, on t'entend l'engueuler jusqu'au bout de la rue. Hein. Qu'est-ce qu'il fout là, cet escabeau ? Mais attention, le vase ! Ça ferait une horreur de moi. C'est quoi ce bruit ? Oh non, mon vase ! Le seul souvenir qui me restait de Limoges. Vous, la vieille pique, fermez-la. Oh, mais ça va pas ? Comment tu lui parles ? Paul, pourquoi vous avez fait ça ? Je n'en peux plus de cette maison. Allez, va rejoindre ta maîtresse, hein. La femme de ton patron, la grosse dinde, Edma, Irma. En janvier 1904, Maurice Utrillo retourne à Sainte-Anne. En 20 ans, il sera interné une dizaine de fois dans divers instituts. Il peint désormais avec frénésie. En moins de 2 ans, il produit 150 toiles. Les mêmes paysages déserts et poétiques, d'une sincérité touchante, nimbés d'un ciel gris mais lumineux. S'il commence, grâce à Suzanne, à susciter l'intérêt de marchands d'art, il monnaie la plupart du temps ses tableaux dans les cafés contre un litre de rouge. Il finit régulièrement au poste, où il brosse à la hâte une toile pour l'agent de police, histoire de lui soutirer un verre en attendant que sa mère vienne le chercher. Maman, tu m'en veux ? Promis, demain, j'arrête de boire. Ambroise Vollard, tu connais ? Hein ? Le marchand ? Ouais. Pourquoi ? J'ai vu tes 2 tableaux dans sa galerie. Signé Maurice U. Valadon. Tu m'avais promis de signer du nom de ton père. Utrillo, c'est pas mon père. Il a rien fait pour moi. C'est pas grâce à lui que je peins, c'est grâce à toi. Je me suis battue pour te donner un nom, alors tu vas le garder, compris ? Ouais. Avance au lieu de loucher vers ce bistrot, là. Ah non ? Dans quel état tu t'es mis ? Un vrai clochard. Avant leur admission aux Beaux-Arts en 1897, elles n'ont pas eu d'accès officiel au modèle vivant. En peinture, le corps des femmes demeure la chasse gardée des hommes. Les quelques nus signés au féminin sont chastes, stylisés. Femme et autodidacte, Suzanne fait figure d'exception en se jouant des conventions. Si son couple rend l'âme, son inspiration ne faiblit pas. Le week-end, elle s'évade pour peindre à Montmagny, emmenant sa mère, sa bonne et son fils dans sa carriole. Quand même, sur votre dernière toile, j'étais bien laide. Tant mieux, ce ne sera jamais assez laid. Rhabille-toi, Catherine, va voir qui c'est. Maman ! L'enfant prodige est rentré. Et il a faim ! Maurice ! Merci de l'avoir accompagné, monsieur. Monsieur ! C'est André Uther, c'est un copain de Montmartre qui est venu peindre dans le coin. Peindre, disons, essayer. Ouais, bon, j'ai soif. Catherine, occupe-toi de lui. Ah non, pas Catherine. Viens, Maurice. Non. André, laisse-moi, André. Tenez. Merci, madame. Suzanne. Du sucre ? Non. Alors comme ça, vous essayez de peindre ? Pour le plus grand malheur de mon père. Il rêve que je reprenne son entreprise de plomberie, mais... Il rêve ? Oui, voilà, oui. Et vous peignez quoi ? Des paysages, des portraits, et des nus aussi. Intéressant. Maurice a l'air de vous apprécier. Pourriez-vous garder un œil sur lui à Montmartre ? Je m'inquiète pour sa santé. D'accord. Mais à une condition, Suzanne. Que je puisse vous regarder peindre. J'ai tout à apprendre de vous. Je ne dors plus. Si je dors, je rêve de lui. Avec sa tignasse blonde, ses grands yeux bleus et ce sourire. Il est beau comme un ange. Et intelligent avec ça. Il veut écrire une philosophie de la peinture. Non, non, non, non, et non, je suis mariée. J'ai 43 ans. C'est un ami de mon fils, il a son âge. Faux. Il est plus jeune que Maurice. Oh mon Dieu, quelle horreur, il a 22 ans. André Uther ne prend guère à cœur sa mission de chaperon auprès de Maurice. À Montmartre, il passe le plus clair de son temps avec Suzanne. Il lui fait découvrir les courants en vogue au bateau Lavoir, célèbre résidence d'artistes où Picasso a peint les Demoiselles d'Avignon. De son côté, elle l'accueille dans son atelier rue Cortot, lui montre ses tableaux, ses gravures, ses esquisses. Ensemble, ils écument les galeries et les musées, dont celui du Luxembourg, surnommé le musée des artistes vivants. C'est ma salle préférée. André, regardez cette danseuse. Comme elle respire la vie. On a l'impression qu'elle se masse le pied sous nos yeux, c'est incroyable. Degas, le maître absolu. L'important, c'est le trait, la ligne. C'est ça qui crée le volume, le mouvement. Degas. Monet. Renoir. Mais où sont les femmes peintres par ici? Les musées raffolent des femmes en tant que modèles, mais en tant qu'artistes. Un jour, qui sait, moi aussi, j'aurai ma place sur ces murs. Non. Le cri du cœur? Votre place est au Louvre. Au Louvre? Encore mieux. Qu'est-ce que vous faites? Relevez-vous. Je vous aime, Suzanne. À mon tour, je me suis mise à genoux. Je l'ai regardé longtemps. J'ai pris son beau visage entre mes mains et je l'ai embrassé devant tout le monde. Moi qui pensais en avoir fini avec l'amour. À l'automne 1909, Suzanne Valadon quitte son mari et son confort. Elle divorcera l'année suivante. Elle prend un petit appartement à Passe Gelma avec sa mère, son fils et son nouvel amour. André Uther lui insuffle un nouvel élan artistique. Il la pousse à se consacrer à la peinture, à produire davantage. Suzanne réalisera 450 huiles sur toile jusqu'à sa mort en 1938. Si son style n'évolue pas, sa palette s'enrichit en couleurs, son audace est décuplée. Elle se lance dans une toile immense, Adam et Ève. Elle s'y représente debout avec ses longs cheveux, nue et sûre d'elle, aux côtés d'André, nu lui aussi, plus timoré. Pas de serpent à l'horizon, mais une pomme qu'il cueille à deux en allant de l'avant. Suzanne est l'une des premières femmes à peindre un nu masculin. Sa notoriété grandit, les ventes de ses œuvres frémissent, elle nage en plein bonheur. Fin 1909, elle expose au prestigieux salon d'automne au Grand Palais. Deux ans plus tard, elle apprend que l'immeuble dans lequel vit Edgar Degas va être rasé. Vous êtes venu en vain, je ne veux voir personne. Même pas cette diablesse de Maria qui est le génie du dessin? Vous ne répondez plus à mes lettres. De toute façon, je deviens aveugle, moitié sourd. Je n'ai plus goût à rien. Dommage. J'ai deux cadeaux pour vous. D'abord une esquisse. Merci. Un grand nu sur lequel je travaille. La joie de vivre. À droite, c'est André Uther, mon amoureux. Il est beau, hein? Quand je passerai à la peinture, je soulignerai les contours des corps d'un long trait foncé pour isoler les couleurs. Alors? C'est superbe. Un travail d'homme. Merci, maître. Comme vous, j'espère toujours arriver à faire mieux. Et voici l'autre cadeau. Lisez. 6 boulevard de Clichy, 6e étage. Qu'est-ce que c'est? Votre future adresse. Au coin de la rue des Martyrs. Loin de Montmartre, vous risqueriez de mourir d'ennui. Le propriétaire est un ami et pour les cartons, je vous aiderai. Au mariage. Merci. Moi aussi, je vais déménager. Je reviens au 12 rue Cortot, dans un plus grand atelier avec ma mère et mes deux hommes. Si mon fils s'associe à mon couple, à nous trois, nous pourrons former l'école Valadon, spécialité de nu en tout genre. Dites-moi, tout ce bonheur à force, n'est-ce pas lassant? Bah voilà. Regardez. Pour peindre, on va être bien ici. Oh, quel jeu. Ce jardin, ce lilas. Oh, on voit le lapin agile. Je vais installer une corde et une poulie et puis ils m'enverront des bouteilles. Crétin. Bon, qui s'installe où? C'est pas la place qui manque. Mayuyu, je veux bien partager l'atelier avec toi, mais pas avec Maurice, ce qui passe son temps à me chiper mes tubes et mes pinceaux. André, mais c'est toi qui perds tout, mais quel menteur! Tu parles! Espèce de voleur! Eh oh, ça suffit, vous deux, vous n'allez pas vous battre! J'ai un sale pressentiment. Le monde s'assombrit, la guerre gronde. Nos finances vont mal, mon fils aussi. L'autre jour, il s'est défroqué en pleine rue, après le vernissage de sa première exposition. Ma mère est fatiguée, elle a perdu l'appétit. Quant à André, il m'accuse de sacrifier ma peinture au profit de Maurice. Et il reproche à Maurice de peindre vite et mal. Pauvre André, il se bat comme un diable pour vendre l'étoile. Il a réussi à présenter ses œuvres et les miennes dans la galerie de Berthe Weil, la papesse de l'art. Il fait ça pour moi, mais aussi par intérêt. Mon bel ange aime l'argent. Il rêve d'acheter une automobile. Il y a de nouvelles fréquentations. Et moi, dans tout ça, j'ai 48 ans. Je vieillis. Je le vois sur mon corps, mon visage. Il le voit aussi, bien sûr. Et lui ne change pas. J'en profite. Je le peins tout le temps. Nu, de dos, de face, de profil. Je célèbre son corps pour l'éternité. Pour ma toile en cours, je lui fais manipuler un filet de pêcheur. Il y a 5 ans, j'ai capturé son amour. Est-ce que je vais savoir le garder ? Oh, j'en ai marre, là. Tiens la pause encore un moment. Après, tu viendras te réchauffer dans mes bras. Plus tard, ma Yuyu. J'ai rendez-vous avec un marchand. Elle est jeune, jolie. Arrête. Faut bien que je m'occupe des affaires. Ton fils brade ses toiles pour du vin et toi, t'es un panier percé. Résultat, je cours partout et j'ai plus le temps de peindre. Pourtant, tu es doué. Mais tu fais du Valadon. Tu devrais t'émanciper de mon style. M'émanciper tout court? Si tu me quittes, je me tue. Salut à toi, Sainte Trinité. Bien trouvé. La mère, le fils et moi, le Saint-Esprit. Le Saint est toujours à poil, l'autre. Hein. Matin, midi et soir. Maurice, l'autre, c'est l'homme que j'aime. Et aussi mon beau-père. Enfin, c'est tout comme. Avant, c'était mon copain. Je m'y perds. Sois gentil. Va te mettre la tête sous l'eau. De l'eau? Tu veux ma mort? À l'aide! Bou papa veut ma mort! Chut, ta grand-mère se repose! André, qu'est-ce que tu fais? J'ai pas fini. Où tu vas? Mais il va courir les femmes, tiens. Allez, à ce soir. Maurice, je t'en supplie, arrête de boire. Mais je peux pas, maman, je te jure. Je suis né ivre. Présenté au Salon des Indépendants du printemps 1914, le lancement du filet fait sensation. La critique salue en Suzanne Valadon une peintre puissante aux toiles viriles. La guerre vient tout arrêter. Le 1er septembre 1914, Suzanne épouse André avant qu'il soit mobilisé. Maurice, exempté, est à nouveau interné. Seule, sans ressources, Suzanne survit tant bien que mal. Elle perd tour à tour sa mère, puis Edgar Degas en septembre 1917. Après-guerre, le marché de l'art reprend des couleurs. Le trio, que la presse qualifiera plus tard de « Trinité maudite », se reforme. En 1920, Suzanne Valadon est élue sociétaire du Salon d'automne et devient l'une des rares artistes femmes reconnues de son vivant. Sa cote bondit, vite dépassée par celle de Maurice Utrillo, en route vers la gloire avec ses démons. Ses rapports avec André s'enveniment, mais Suzanne peint sans relâche. Elle s'attaque bientôt à son chef-d'œuvre, la Chambre bleue. Vision décomplexée d'une odalisque en débardeur et pyjama, loin des diktats de la beauté. Allongée sur son lit, des livres à portée de main, la femme fume, nonchalante et authentique, perdue dans ses pensées. J'ai trouvé ma voix, ma façon d'être avec la peinture. J'utilise plusieurs pinceaux et plusieurs brosses à la fois. Je les tiens à pleine main ou entre mes dents et j'entre en transe. Je peins avec mes entrailles, je me sens peintre. Et mon corps le crie haut et fort. Il le signe sur chacune de mes toiles. La signature, c'est ma plus grande récompense. J'y passe des heures, Si l'on ose me déranger, je mords. Terrible, Maria. Cher Degas, je pense souvent à lui. Qu'est-ce qu'il disait sur la peinture ? La peinture n'est pas bien difficile quand on ne sait pas. Mais quand on sait, alors, c'est autre chose. Ah oui, c'est quelque chose. Suzanne Valadon de modèle à peintre de Corinne Klomp avec Suzanne Valadon, Mathilde Ménétrier, Edgar Degas, Jean-Noël Lefebvre, Madeleine, Émilie Incerti-Formentini, Paul Mouzy, Zachary Laurent, Maurice Utrio, Yvan Cory, André Uther, Léo Antonin Lutinier, Catherine, Fanny Blondeau, bruitage Elodie Fiat, prise de son montage et mixage Manuel Couturier et Valentin Azan Zielinski, assistante à la réalisation Laure Chastan, réalisation Christophe Hoquet. Vous écoutez Autant n'importe l'histoire sur France Inter. Je reprends dans quelques minutes la discussion sur Suzanne Valadon avec mon invitée Saskia Holmes. D'auteur Be On Your Way sur France Inter, Autant n'importe l'histoire, est réalisé par Anne Weinfeld, assistée de Frédéric Martin, programmation musicale Thierry Dupin, à la technique Adèle Caglar. Saskia Holmes, quel fichu caractère, cette Suzanne Valadon. C'est incroyable tout ce qu'elle a réussi à surmonter pour réaliser son rêve, être artiste. Elle n'a pas de formation initiale, elle va très peu à l'école, elle a une mère pauvre qui la désapprouve, elle est modèle, et elle a un fils alcoolique, c'est incroyable. Oui, elle a vraiment une vie quand même extraordinaire de ce milieu modeste. Il y a d'autres femmes artistes hein, comme Berthe Morisot ou Mary Cassatt, mais eux, elles viennent d'un milieu, très bourgeois. Donc pour Suzanne Valadon, c'était quand même assez incroyable d'arriver là. Et c'est étonnant aussi, elle croise des hommes dans sa vie qui vont la soutenir, qui croient en elle. Donc il y a bien sûr Edgar Degas qui a joué un rôle capital. Il ne lui ressemble pas du tout, mais il dit cette phrase qui, j'imagine, a eu un effet extrêmement porteur pour Suzanne Valadon. Vous êtes des nôtres. C'est génial, cette phrase. Oui, c'est incroyable. Degas a vraiment eu une importance dans la vie de Suzanne Valadon. Espèce de père qu'elle n'a pas eu aussi, peut-être. Absolument. Il a tout de suite reconnu son talent de dessinatrice et il a encouragé à se présenter à la Société Nationale des Beaux-Arts, où il est une des premières femmes à exposer, si ce n'est pas la seule. Et c'est lui aussi qui l'initie à la gravure à la taille douce. Il y a eu aussi une vraie amitié entre eux et jusqu'à la fin de sa vie, une correspondance aussi qui est assez importante. Donc, elle a été très influencée par Degas, notamment aussi dans les scènes de bain qu'elle a présentées plusieurs reprises, où on retrouve vraiment l'esprit de Degas. Oui, mais elle a une manière différente de les dessiner, enfin, peut-être au cours de sa carrière. Elle se met à avoir ce coup de crayon très précis qui entoure les formes du corps que n'avait pas Degas. C'est quelque chose qui vient peut-être de Gauguin, enfin je ne suis pas une spécialiste, mais... En fait, elle s'intéresse beaucoup à la représentation de l'enfance et de l'adolescence, à la fois dans ses dessins et dans ses peintures. Et ce qui est important aussi pour son style, c'est les contours noirs, qui est toujours très cerné, vraiment très approfondi. Oui, ça donne une grande modernité à son dessin, et à ses peintures aussi. Ouais. Oui. Et il y a aussi donc autre homme qui compte beaucoup dans sa vie, il y a ce Paul Mouzy, donc cet homme avec qui elle va vivre, qui croit en elle, et puis André Uther, donc son jeune amant, qui avec le fils est assez incroyable, ce mode de vie, ce trio infernal qu'elle crée avec son amant et donc son fils. Oui, elle a quand même eu beaucoup de courage de quitter son mari Paul Mouzy pour vraiment s'installer avec ce jeune garçon hein, qui avait quand même 20 ans moins qu'elle. Et elle a peur de rien. Oui, une grande liberté dans sa vie qui peut-être ne plaisait pas à tout le monde, enfin, qui devait un peu choquer. Oui, parce qu'elle compte pas du tout les conventions sociales. Mmh. Elle ose prendre des risques et c'est ce qu'elle fait. Elle s'installe avec lui et son fils et sa mère aussi aux 12 rue Courtauld. Pour revenir à sa peinture, qu'est-ce qui caractérise le style de Suzanne Valadon? Un style, à l'époque, on disait viril. Évidemment, c'est une expression un peu bizarre aujourd'hui, mais il y a quelque chose, comment le dire? Il y a quelque chose de direct qui est à la fois raffiné mais pas délicat. Alors, elle a un regard très direct. D'ailleurs, elle le dit aussi, il faut oser de regarder la vérité en face pour atteindre l'âme. Mmh. Et c'est vrai qu'elle a une façon très pionnière de représenter la femme. Elle veut pas du tout présenter une femme avec une beauté idéalisée, mais elle représente comment elles sont. Ses nues font force d'une monumentalité. Vraiment, les femmes comme elles sont vraiment dans la chair et elle regarde le spectateur en face sans sourire. Donc il y a vraiment ce regard direct de Suzanne Valadon. Elle dit, je ne veux pas faire de beaux dessins pour être encadrée, mais juste de bons dessins pour suspendre un instant de vie en mouvement tout en intensité. C'est assez joli ça comme formule. Oui, c'est très joli et ça représente aussi très bien sa façon d'être parce que elle était elle-même une femme très vivante, très active et elle transpose ses qualités dans sa peinture. Il y a une grande sensualité donc dans ses peintures, que ce soit des peintures de corps nus de femmes, mais aussi donc on l'a entendu, elle peint des hommes, notamment son amant André Uther. Elle représente des hommes nus, ce qui est quand même assez osé, audacieux pour une femme au début du XXe siècle. Oui, c'est très précurseur. D'ailleurs, je pense que elle est la première femme à représenter un homme nu. D'abord pour Adam et Ève, où elle se représente elle-même avec lui dans ce très beau paysage. Et pour la petite histoire, elle voulait exposer cette œuvre au Salon des artistes indépendants et elle a dû rajouter une feuille de vigne sur le sexe de Uther. Parce que c'était pas accepté. Au début, ils étaient vraiment nus. Tous les deux. Oui, absolument. Ouais. Mais aussi pour le lancement de Filet, elle a présenté... C'est un autre tableau, donc où on voit trois hommes nus qui sont représentés en train de lancer des filets. Et donc c'est ce tableau dont vous me parliez. Oui, absolument. Ce tableau est une œuvre majeure pour sa carrière. Et on voit vraiment l'inspiration de Ferdinand Hodler ou même de Gauguin et de Matisse. Ce nu monumental, donc en trois positions, de dos, de face et des profils, et c'est donc André Uther qu'elle représente. Et dans ce paysage montagneux et avec un ciel éclatant. Donc c'est vraiment la force de cette modernité qui d'ailleurs, comme vous l'avez dit, a été considérée comme virile, qui fait la force et du style de Valadon. Donc on l'a quittée, Suzanne Valadon, en 1920. Elle va traverser tant bien que mal la Première Guerre mondiale. Elle continue à peindre jusqu'à sa mort en 1938. Et elle meurt connue et reconnue. Picasso, Derain, Braque viennent à son chevet pour la saluer. Que va devenir son fils, Maurice Utriot ? C'est assez étonnant parce qu'il va bientôt être plus connu que sa mère, considéré même comme meilleur peintre qu'elle. Oui, alors Maurice Utriot est un peintre très productif et c'est un peintre avec une cote qui a vraiment beaucoup monté et il est très en vogue chez les collectionneurs. Donc très bien pour lui. Est-ce que Suzanne Valadon finalement a été éclipsée par son fils ? Alors, je pense que Suzanne Valadon avait beaucoup d'admiration justement pour le succès de son fils et il n'y a pas eu de rivalité entre lui et elle. D'ailleurs, je pense que Maurice Utriot a fait exprès de jamais faire des portraits pour pas être sur le terrain de sa mère. Et puis, ils ont vraiment un style très différent. Lui, il peint surtout des paysages, la vue de Montmartre, les églises. Et Suzanne Valadon, c'est surtout la personnalité de son modèle, l'approche psychologique. Donc, ils sont très différents. Merci beaucoup Saskia Holmes. De vous, on peut lire sur le sujet Valadon, Utriot, Uther à l'atelier de la rue Cortot, 1912-1926 chez Somogy en 2015, le guide du musée de Montmartre chez Somogy en 2016, et vous avez coédité le catalogue de l'exposition La Belle Époque passionnément, la collection Westman, Michel, Steinlen, Ibels, Valadon en 2019-2020. Et on peut voir évidemment, il faut aller visiter le musée de Montmartre que vous dirigez. Qui se trouve à quel endroit ? 12 rue Cortot, dans le 18e. Un très joli musée où donc on peut voir l'atelier reconstitué de Suzanne Valadon. Et à voir bientôt une grande exposition, Suzanne Valadon, un monde à soi, conçue et organisée par le Centre Pompidou-Metz du 15 avril au 11 septembre 2023, qui sera reprise à Nantes en novembre jusqu'en février 2024, ensuite à Barcelone en avril jusqu'en septembre 2024. Voilà, c'est la fin de On emporte l'histoire. Vous pouvez réécouter cette émission, la podcaster sur notre site radiofrance.fr où bien sûr vos commentaires sont les bienvenus, ainsi que sur la page Facebook de l'émission. Samedi prochain, nous irons à la rencontre de Georges Clemenceau lorsqu'en 1919, alors qu'il est président du Conseil, il a 77 ans, on l'appelait le père de la victoire, il est victime par un anarchiste d'une tentative d'assassinat à son domicile. Mais celui qu'on appelle aussi le tigre va en réchapper. 1919, l'assassinat raté de Georges Clemenceau, c'est samedi prochain à 17h sur France Inter, bien sûr.